ရှင်ကုမာရကတ္တပမထေရ ကုဏတရားအထုဘက် ယောဂီဟောင်ဖြစ်တဲ့ပြမာယက်နေပြီးအချက်15ချက်ပေးသွားတယ် ပေးသွားတဲ့ထဲမှာဟာ 6ချက်တောင်ပြီးသွားပြီပေါ့ အဲ့ဒါကပထမတောင်ဖို့ဆိုတာဘယ်ရလဲ Migo sura beale, million sura beale. Now, Sia sura be bedule, the visura bedule. I devi you be a paudu de la chakaim, no? I paudu sura beale, no? I tia. Chow chada. Well, a bio pito a vil, no? Genere a bio verbo. So Seara said he will continue with the Vamika Sutta from the 15 riddles. The Seara said he has talked about 6 already. Sayadaw va poursuivre son enseignement à propos du Vamika Sutta, le sermon des énigmes. Il a déjà parlé de ces 15 énigmes que le Brahma allait présenter à son ancien compagnon moine, le vénérable Kumara Kassapa, pour l'aider à atteindre Nibbana. Sayadaw a déjà parlé de 6 de ces énigmes. Il y a une grande fourmilière. La deuxième énigme, elle fume la nuit. La troisième énigme, elle lance des flammes le jour. La quatrième énigme, qui est l'éminent professeur? La cinquième énigme, qui est l'élève exceptionnel? Et la sixième, que représente la bêche? Sayadaw a donc déjà parlé de ces 6 premières énigmes. Sayadaw va parler maintenant de la bêche. Quel est le symbole de la bêche? La bêche symbolise la connaissance, la compréhension, la sagesse que le yogi va développer tout au long de sa pratique. La bêche représente donc la connaissance la plus noble, la plus élevée. Si le yogi investigue son propre corps au moyen de la vision pénétrante, il comprendra les 4 éléments. Sayadaw a déjà parlé des 4 grands éléments qui constituent le corps physique et que vous devrez réaliser dans votre propre corps au cours de votre investigation. C'est cela que veut dire creuser la fourmilière avec la bêche. L'énigme suivante, c'est le bon professeur qui va demander à son élève exceptionnel de prendre la bêche, de la saisir fermement et de creuser la fourmilière. L'élève devra donc faire un gros effort pour tenir fermement cette bêche dans les mains et creuser. Ceci symbolise le yogi qui va devoir fournir un gros effort pour maintenir son attention sans interruption sur tout ce qui se manifeste. Tout comme celui qui creuse la fourmilière doit faire un effort pour tenir fermement la bêche et pour creuser, le méditant, le yogi, devra faire preuve de fermeté lorsqu'il observera les phénomènes à l'intérieur de lui sans interruption. L'observation doit être continue, ininterrompue et avec effort. Lorsque vous observez les mouvements de l'abdomen ou la posture assise, vous devez faire cela sans interruption et vous devez fournir un gros effort pour maintenir votre attention. Vous devrez maintenir cet effort tout au long de la séance si vous voulez réussir à maintenir votre attention ininterrompue. Creuser veut dire maintenir l'effort sans interruption et observer tout ce qui se manifeste à chaque instant. Si l'effort diminue, le méditant ne notera plus de façon continue et en conséquence, la concentration va s'affaiblir. Vous allez donc devoir observer de façon ininterrompue tout ce qui se manifeste en vous. Vous allez fournir l'effort juste. Il y a quatre types d'efforts. Dans ce contexte, en pali, on parle de samapadanam. Le premier type d'effort consiste à éliminer les impuretés qui sont déjà présentes dans l'esprit. Si vous fournissez l'effort juste, vous pourrez également empêcher l'apparition d'impuretés qui n'étaient pas encore en vous. L'effort que vous allez fournir pour observer tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant, de façon ininterrompue, va également vous permettre de développer des états d'esprit méritoires qui n'étaient pas encore en vous. Et cet effort va également vous permettre de développer ou de garder les états d'esprit méritoires qui étaient déjà en vous. Il y a donc quatre types d'efforts. Le premier empêche l'apparition d'états d'esprit négatifs, ceux qui n'étaient pas encore en vous. Le deuxième type d'effort va éliminer les états d'esprit négatifs qui étaient déjà en vous. Le troisième type d'effort concerne les états d'esprit positifs et il va introduire dans l'esprit des états d'esprit positifs qui n'y étaient pas encore. Et le quatrième type d'effort va permettre de développer ou de garder ces états d'esprit positifs que vous avez réussi à introduire ou qui étaient déjà présents en vous. Donc, creuser la fourmilière symbolise le yogi qui fait ce quadruple effort, les deux premiers concernant les négativités, celle qu'il n'a pas encore en lui et celle qui pourrait pénétrer dans son esprit. Et les deux derniers types d'efforts concernent les énergies positives qu'il va réussir à introduire en lui et à développer encore plus s'il fournit ses efforts. Chaque fois que vous notez un objet, vous éliminez de votre esprit ce qui est négatif et vous introduisez des énergies pures. Cette septième énigme, qui concerne donc le fait de creuser la fourmilière avec la bêche, est très importante pour vous, yogi. Car si vous réussissez à fournir cette qualité d'effort, lorsque vous contemplez, votre concentration va très vite se développer et devenir puissante, et en conséquence, la sagesse va se manifester. Le Brahma demanda alors à son élève exceptionnel de continuer à creuser la fourmilière. L'élève creusa et trouva un bâton de bois, une barre, qui sert à bloquer la porte. Que symbolise cette barre de bois? Cette barre symbolise l'ignorance, nous dit le Bouddha. Avijja. Sur quoi porte cette ignorance? C'est l'ignorance de la méthode correcte pour arriver à la libération. C'est l'ignorance de la pratique correcte. Le méditant ne sait pas, ne connaît pas la méthode correcte pour méditer. Il faudra donc éliminer cette ignorance de l'esprit. Comment allons-nous faire? L'ignorance peut être évacuée par Sutamayajnana, l'étude, la lecture, ou bien par Chintamayajnana, la connaissance qui vient de l'analyse logique, de la réflexion. Il est donc possible de se débarrasser de l'ignorance par la lecture, par l'écoute d'enseignement, ou bien par l'analyse logique, la réflexion. L'ignorance est quelque chose de négatif parce qu'elle ne nous permet pas de travailler selon la bonne méthode. Elle doit donc être rejetée. L'ignorance de la méthode correcte de vipassana est grave car cela va empêcher le méditant de progresser. Le Bouddha a donc donné des informations complémentaires à propos de la méthode. Lorsque le futur Bouddha, le prince Siddhartha, eut 29 ans et qu'il vivait encore au palais de son père, ayant à volonté tous les plaisirs sensuels possibles, il eut quatre visions, quatre nimittas. Il vit quatre personnes. La première était un vieillard. La deuxième personne était un malade. La troisième personne était un mort. Et la quatrième personne était un reclus. Donc quatre personnes au total. Le prince Siddhartha n'avait encore jamais vu de telles personnes, car il avait été confiné au palais de son père, qui ne voulait pas qu'il entre en contact avec la misère du monde. À l'âge de 29 ans, pour la première fois, alors qu'il faisait une tournée dans son char royal, il eut ses quatre visions. Le prince, qui avait passé une trentaine d'années dans les plaisirs sensuels, fut choqué par cette vision. Il décida alors de quitter le palais et de se mettre en quête d'une solution pour échapper à toute cette misère. Il avait été dégoûté par la vision de ce vieillard, de cet homme malade et de ce mort, et souhaitait trouver une issue à cette souffrance. Il se mit en quête d'un professeur qui allait pouvoir lui expliquer le Dhamma. Mais à l'époque, le Dhamma qui était enseigné n'était pas la voie correcte. Le futur Bouddha ne savait rien, il ne connaissait aucune méthode. La seule chose qu'il avait en tête, c'était de trouver le moyen d'échapper à cette souffrance. N'essant pas la méthode qui allait lui permettre de réaliser ce but, on peut dire qu'il était victime de avidya, l'ignorance. Il avait l'intention de se sauver lui-même, mais également toute l'humanité. Le prince Siddhartha quitta donc le palais de son père et se rendit dans la forêt, où il mena une vie d'ascète. Peu de temps après, il entendit parler d'un sage du nom de Alara Kalama. Ce sage avait environ 300 élèves, avait atteint le septième des 8 stades de concentration. Il n'avait pas atteint le 8e et dernier stade. Mais le prince Siddhartha voulut cependant étudier auprès de ce maître. Il se rendit donc chez lui et très vite, il avait atteint le même niveau de concentration que son professeur. Ni le professeur ni son élève n'avaient donc réussi à atteindre le 8e et dernier attribut, appelé en pali Nevasanya Nasanya Yatana, le stade de la ni-perception ni non-perception. Alara Kalama, voyant que son élève était très brillant et qu'il avait atteint le même niveau de concentration que lui, lui proposa alors de devenir lui-même un enseignant au sein de son groupe. Il lui donna une bonne partie de ses élèves et proposa donc à Siddhartha d'enseigner cette méditation de la concentration. Le prince Siddhartha avait cependant compris que la méthode que lui avait enseignée Alara n'était pas la méthode qui allait lui permettre de réaliser les quatre nobles vérités. Que s'il continuait à pratiquer ce type de méditation, il atteindrait les plans immatériels et deviendrait, après sa mort, un Arupa Brahma, quelqu'un qui n'a plus qu'un esprit, qui n'a pas de corps. Et il comprit que c'était très dangereux, étant donné qu'il ne pourrait pas entendre l'enseignement d'un Bouddha s'il devait se trouver dans les conditions pour cela. Il décida donc de quitter ce professeur. Il entendit parler d'un professeur du nom de Rama, qui était réputé pour avoir atteint les 8 attributs de Samapati. Il avait un groupe d'élèves et enseignait cette méditation à ses élèves. Rama n'était pas présent au moment où le futur Bouddha allait le rencontrer et reçut donc les instructions de son fils Udaka. Le fils de Rama s'appelait Udaka. Et ce Udaka enseigna au Bodhisattva la méthode pour atteindre ce 8e stade de concentration. Le Bodhisattva ne mit pas beaucoup de temps pour atteindre ce stade. Sous la guidance de Udaka, il put réaliser ce 8e stade appelé en pali Nevasanya Nasanya Yatana Jhana, le stade de la ni-perception ni non-perception. Mais il réfléchit et comprit que là aussi, il ne s'agissait pas du Dhamma qui allait lui permettre de réaliser les 4 nobles vérités. Ce n'était pas ce qu'il cherchait. Il allait devoir reprendre naissance dans les plans de Brahma en tant que Arupa Brahma, un être sans corps, et il allait devoir rester dans ce plan pendant une période de temps incalculable, exactement comme c'était le cas lorsqu'il se trouvait chez son ancien professeur. Et après cette très longue période, il allait certainement devoir reprendre naissance dans l'un ou l'autre des plans d'existence du samsara. La fin de renaissance ne serait donc pas atteinte pour lui, et c'était dangereux. Il ne réussirait pas, dans ces conditions, à s'extraire du samsara et devrait reprendre naissance ad vitam aeternam dans des plans qui ne seront pas toujours les bons plans. Il décida donc de quitter ce professeur. Il y avait maintenant 6 ans qu'il avait quitté le palais de son père. Il avait quitté le palais de son père à l'âge de 29 ans. Il en avait maintenant 35 et pendant toutes ces années, il avait vainement cherché la méthode qui allait lui permettre de se libérer du samsara. Il se rendit alors au pays de Magadha et s'établit dans la ville de Uruvela. Il avait abandonné ses 2 premiers professeurs, ainsi que la méthode qu'il lui avait enseignée, et se mit à pratiquer tout seul, en suivant sa propre méthode. Pendant la première partie de la nuit, le premier quart de la nuit, juste avant 10 heures du soir, il atteignit Pubbe Niwasa Jnanam, le pouvoir de connaître les vies antérieures des êtres, ainsi que la sienne. Vers minuit, il atteignit Dibha Chakku Jnana, le pouvoir de la vision supranormale. Et dans la dernière partie de la nuit, il contempla les 5 agrégats, les 5 agrégats d'attachement, Upadana Kanda, et put ainsi progressivement réaliser toutes les étapes de connaissance jusqu'à la réalisation des 4 nobles vérités. Il était devenu un Bouddha omniscient. Étant devenu un être parfaitement illuminé, il passa ensuite 7 jours à 7 différents endroits, 49 jours pour jouir du fruit de Vimuti Sukha, le bonheur de l'état d'arhat, de la délivrance. 49 jours en extase. Le 50e jour, il se mit à réfléchir pour voir à qui il allait enseigner son Dhamma, à qui il allait délivrer son premier sermon. Il se dit que son ancien professeur, Alara, serait en mesure de comprendre son Dhamma. Mais il le réalisa, grâce à son pouvoir de vision extraordinaire, que ce professeur était mort 7 jours auparavant. Le Bouddha comprit que son ancien professeur, Alara, avait perdu une occasion en or. Ayant repris naissance dans le plan immatériel, Alara était devenu incapable d'entendre les enseignements d'un autre Bouddha. Non. Ayant repris naissance dans les plans immatériels, ce Alaraka n'avait pas de corps et n'avait donc pas la possibilité d'écouter un enseignement. De plus, il était condamné à devoir reprendre naissance ad vitam aeternam. C'est là la raison pour laquelle le Bouddha a toujours encouragé ses disciples à pratiquer la méditation vipassana avant de mourir. Le Bouddha parcourut alors le monde de son œil divin pour voir où se trouvait son deuxième professeur, Udaka. Il dut hélas constater que ce deuxième professeur était mort juste la veille. Il avait lui aussi perdu une chance immense d'entendre les enseignements d'un Bouddha. C'était encore pire que pour le premier professeur Alara, car ici, Udaka était mort la veille. Tous les deux avaient perdu une chance énorme d'entendre les enseignements d'un Bouddha, d'entendre la méthode correcte qui allait leur permettre d'atteindre Nibbana. Ces deux professeurs avaient atteint les stades les plus avancés de la pratique de la concentration. S'ils avaient pu entendre l'enseignement du Bouddha, ils auraient été libérés instantanément. Le Bouddha expliqua donc que s'il n'avait pas pu atteindre Nibbana, c'était parce qu'il n'avait pas entendu la méthode correcte qui allait leur permettre de l'atteindre. L'ignorance, le fait de ne pas avoir entendu les instructions correctes pour la méditation qui allait leur permettre de réaliser Nibbana, cette ignorance est donc symbolisée par la barre de bois qui bloque la porte. La porte est verrouillée, elle est bloquée, et ceci veut dire que le méditant n'entend pas les instructions correctes pour la pratique de la méditation. Il ne connaît pas la méthode correcte. Le Bouddha, quant à lui, a enlevé la barre, il a mis fin à l'ignorance, et grâce à lui, nous pouvons, nous, entendre la méthode correcte. Et en ce moment, les yogis pratiquent la méditation en suivant les instructions du Bouddha. Efforcez-vous donc de pratiquer du mieux que vous le pouvez, fournissez un gros effort, creusez la fourmilière le plus possible, développez ainsi la sagesse en éliminant la barre de bois, l'ignorance, et pouvoir atteindre ainsi la connaissance du chemin et du fruit. Trying to dig bravely. Try to dig as much as you can and remove the ignorance, remove the boat as early you can, because that can come at any moment, Buddha said. Satu. Okay. Okay. See you tomorrow. Thanks.